Bien, alors nous avons vu comment retrouver des centaines de verbes anglais à partir des verbes français en ER, que ce soit en supprimant le R ou le ER final du verbe français, comme par exemple observer, to observe, confirmer, to confirm, inviter, to invite, ou en supprimant la terminaison ation des mots équivalents, observation, confirmation, invitation. Alors jusqu'ici, ça roule. Mais je voudrais maintenant vous parler d'une autre transformation, another transformation. Un certain nombre de noms en ation deviennent des verbes en ate, A-T-E. Alors prenons un exemple. En français, on a le verbe motiver et le nom motivation. En anglais, le nom est le même qu'en français, motivation. Mais le verbe est en ate, motivate, M-O-T-I-V-A-T-E. Alors, comment direz-vous, un bon gestionnaire a besoin de motiver son personnel? Prenons le début de la phrase. Si un gestionnaire est un manager, en anglais, hein, et vous connaissez ce mot qui est employé aussi en français, comment traduira-t-on un bon gestionnaire? A good manager. A good manager. Un bon gestionnaire. Alors, un bon gestionnaire a besoin de motiver son personnel. Nous avions déjà vu que l'anglais a directement emprunté le mot personnel au français. Donc, a good manager needs to motivate his personnel. A good manager needs to motivate his personnel. Et l'on pourrait ajouter qu'il devrait aussi collaborer avec son équipe. Alors, suivant la nouvelle transformation que je viens d'introduire, comment direz-vous collaborer en anglais? To collaborate. To collaborate. C-O-2-L-A-B-O-R-A-T-E. Remarquez que tandis qu'en français on parle de collaborer à, en anglais on dit to collaborate on, c'est-à-dire sur. Alors comment dira-t-on nous avons collaboré à la création du site web? Un site web se dit website en un seul mot. W-E-B-S-I-T-E. Alors, nous avons collaboré à la création du site web. We collaborated on the creation of the website. Cet exemple du site web qui se traduit website illustre parfaitement une caractéristique importante de l'anglais qui consiste à juxtaposer deux mots pour créer un mot composé en inversant l'ordre des deux mots par rapport au français. Pensez qu'en France, on conduit à droite et en Angleterre à gauche. Eh bien, pour les mots composés, c'est la même chose. Les deux langues ont un ordre inverse. Et donc, en anglais, c'est le mot qui vient en deuxième position, qui constitue le mot principal. Donc, we collaborated on the creation of the website. Et pour ce faire, il nous a fallu communiquer tous les jours. Alors, comment dira-t-on communiquer en anglais? To communicate. To communicate. Qui s'écrit C-O-2-M-U-N-I-C-A-T-E, c'est-à-dire avec le même C que dans communication. Alors, sachant que tous et toutes se dit all, A-2-L, et facile se dit easy, E-A-S-Y, comment direz-vous, grâce à toutes ces transformations, c'est facile de communiquer? Thanks to all these transformations, it's easy to communicate. Thanks to all these transformations, it's easy to communicate. Et effectivement, vous vous en sortez très bien. Et maintenant, si innovation se traduit tout simplement innovation et réussir se dit to succeed, S-U-C-2-E-D, et là, pensez au mot succès, donc to succeed, comment dira-t-on nous avons besoin d'innover afin de réussir et anticiper les besoins de la population? Alors, procédons par étapes. Nous avons besoin d'innover afin de réussir. We need to innovate in order to succeed. We need to innovate in order to succeed. Et d'anticiper les besoins de la population. Alors, vous venez d'employer le verbe to need pour avoir besoin. Eh bien, le nom correspondant pour parler de besoin est exactement le même, need. Population se dit population. C'est exactement le même mot qu'en français, mais prononcé différemment. Alors maintenant, à vous de jouer et d'anticiper les besoins de la population. And to anticipate the needs of the population. And to anticipate the needs of the population. Alors, est-ce que vous pourriez reprendre la phrase en entier qui donne « Nous avons besoin d'innover afin de réussir et d'anticiper les besoins de la population. » We need to innovate in order to succeed and to anticipate the needs of the population. We need to innovate in order to succeed and to anticipate the needs of the population. C'est comme si vous travailliez déjà pour le service marketing d'une entreprise anglo-saxonne. Alors, il y a beaucoup d'autres verbes qui suivent le même schéma que innovate et anticipate, tels que accélérer, to accelerate, alterner, to alternate, concentrer, to concentrate, stimuler, to stimulate, pour n'en citer que quelques-uns. Alors, pour finir, pourriez-vous me donner la traduction de cultiver ? To cultivate. Ce qui me fait toujours penser au précieux conseil de Voltaire, il faut cultiver son jardin, ce qui donnerait en anglais « Everyone must cultivate his garden ».